Regarde, c'est l'imprimerie qui a brûlé cette nuit. Les pompiers sont arrivés trop tard ? Oui, quand ils sont arrivés, l'immeuble avait déjà brûlé. Mais ils ont protégé les autres maisons. Il n'y a pas de victimes ? Non, c'est une chance. Quand le feu a commencé, l'équipe de nuit était déjà partie et l'équipe de jour n'était pas encore arrivée.